Mandela, Kofi Annan, les hommes de la paix en Afrique bien sûr, Fred et Jojo, les partisans de la paix. Ah, comme c'est la mort à Villa, la négredie. Comme c'est la mort à Villa, la négredie. C'est la mort à Villa, la négredie. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de sang en Afrique et partout dans le monde? Boum, c'est la mort à Bila, le négredié. Boum, c'est la mort à Bila, le négredié. Boum, c'est la mort à Bila, le négredié. Ma Afrique, non, il n'est pas la Bila, mon amour. Ma Palestine, il est la Bila, mon sangoué. Rwanda, puis c'est la Bila Moussangoué. Ouais, Angola, puis c'est la Bila Moussangoué. Aïe, oh, oh, oh, puis c'est la Bila Moussangoué. Ah, Kofi Annan, Nelson Mandela. Son Excellence, le Président Paul Biya, l'homme de paix. Le repos d'un guerrier, c'est la morée. Le repos d'un guerrier, c'est la morée. Le repos d'un guerrier, c'est la morée. Le repos d'un guerrier, c'est la morée. Oh, Rwanda, puis c'est la Bila Moussangoué. Ouais, Israël, puis c'est la Bila Moussangoué. Oh, Palestine, puis c'est la Bila Moussangoué. Africains, réveillez-vous et soyez unis. Et nous va vous l'ordonne. Les messagers de la paix. À quand les États-Unis d'Afrique? Cessez la guerre. Cessez la guerre. Jonas, en avant, l'histoire de l'Afrique, moi ça, Emmanuel Dine de Mugabe, États-Unis d'Amérique. Au point de guerre, à ce monde inolaté. Jetez vos armes, cessez la guerre. Pour prendre tant de sang, dans ce monde, ouais. Pour prendre tant de sang, dans ce monde, ouais. En Palestine, oh, cessez la guerre. Oh, Israël, cessez la guerre. Cessez la guerre, oh, oh, oh, Algérie, cessez la guerre. Afrique, y'a soué, Afrique, y'a soué, Afrique, y'a soué, Afrique, y'a soué, cessez la guerre, Afrique, y'a soué, Afrique, y'a soué, Afrique, y'a soué. Massa.